Le regard lointain, le sourire éteint, l'inconsolable se tait. Son visage est lisse, pas de cicatrice, pas même un grain de beauté. Frêle est sa poitrine, il a les mains fines et le dos un peu voûté. Comme si l'orage avait dans sa rage tenté de le dévaster. Comme si l'orage avait dans sa rage tenté de le dévaster. Il a vu la guerre, il a vu ses frères pleurer avant de partir. Son masque impassible semble être insensible aux douleurs du souvenir. Ses rêves d'enfant ont suivi le vent qui passait, qui disparaît. Ses peines d'amour ont fait demi-tour sur le chemin des regrets. Ses peines d'amour ont fait demi-tour sur le chemin des regrets. Le regard lointain, le sourire éteint, l'inconsolable s'en va. Digne et nonchalant, il marche à pas lents en route vers l'au-delà. Il prend tout son temps, car nul ne l'attend. Il sait bien qu'on l'oubliera, qu'il ne sera plus qu'une âme éperdue que le ciel accueillera. Qu'il ne sera plus qu'une âme éperdue que le ciel accueillera. Il prend tout son temps, car nul ne l'attend. Il sait bien qu'on l'oubliera, qu'il ne sera plus qu'une âme éperdue que le ciel accueillera. Qu'il ne sera plus qu'une âme éperdue que le ciel consolera.